Exode chapitre 30. Tu feras aussi un autel pour les parfums, et tu le feras de bois de sittim. Sa longueur sera d'une coudée, et sa largeur d'une coudée, il sera carré, mais sa hauteur sera de deux coudées, et ses cornes seront tirées de lui. Tu le couvriras de pur or, tant le dessus que ses côtés tout alentour, et ses cornes, et tu lui feras un couronnement d'or tout alentour. Tu lui feras aussi deux anneaux d'or, au-dessous de son couronnement, à ses deux côtés, lesquels tu mettras aux deux coins, pour y faire passer les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois de sittim, et tu les couvriras d'or, et tu les mettras devant le voile qui est au-devant de l'arche du témoignage, à l'endroit du propitiatoire qui est sur le témoignage, où je me trouverai avec toi. Et Aaron fera sur cet autel, un parfum de choses aromatiques, il y fera un parfum chaque matin, quand il accommodera les lampes. Et quand Aaron allumera les lampes entre les deux vêpres, il y fera aussi le parfum, savoir, le parfum continuel devant l'Éternel, en vos âges. Vous n'offrirez point sur cet autel aucun parfum étranger, ni d'holocauste, ni d'offrande, et vous n'y ferez aucune aspersion. Mais Aaron fera une fois l'an, la propitiation sur les cornes de cet autel, il fera, dis-je, la propitiation une fois l'an sur cet autel en vos âges, avec le sang de l'oblation pour le péché, faite pour les propitiations. C'est une chose très sainte à l'Éternel. L'Éternel parla aussi à Moïse, et lui dit, quand tu feras le dénombrement des enfants d'Israël selon leur nombre, ils donneront chacun à l'Éternel le rachat de sa personne, quand tu en feras le dénombrement, et il n'y aura point de plaie sur eux, quand tu en feras le dénombrement. Tous ceux qui passeront par le dénombrement, donneront un demi-cycle, selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 obols, le demi-cycle donc sera l'oblation, que l'on donnera à l'Éternel. Tous ceux qui passeront par le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, donneront cette oblation à l'Éternel. Le riche n'augmentera rien, et le pauvre ne diminuera rien du demi-cycle, quand ils donneront à l'Éternel, l'oblation pour faire le rachat de vos personnes. Tu prendras donc des enfants d'Israël l'argent des propitiations, et tu l'appliqueras à l'œuvre du tabernacle d'assignation, et il sera pour mémorial aux enfants d'Israël, devant l'Éternel, pour faire le rachat de vos personnes. L'Éternel parla encore à Moïse, en disant, fais aussi une cuve d'airain, avec son soubassement d'airain, pour s'y laver, et tu la mettras entre le tabernacle d'assignation et l'autel, et tu mettras de l'eau dedans, et Aaron et ses fils en laveront leurs mains et leurs pieds. Quand ils entreront au tabernacle d'assignation, ils se laveront avec de l'eau, afin qu'ils ne meurent point, et quand ils approcheront de l'autel pour faire le service, afin de faire fumer l'offrande faite par feu à l'Éternel. Ils laveront donc leurs pieds et leurs mains, afin qu'ils ne meurent point. Ce leur sera une ordonnance perpétuelle, tant pour Aaron que pour sa postérité, en leurs âges. L'Éternel parla aussi à Moïse, en disant, prends des choses aromatiques les plus exquises, de la myrrhe franche le poids de 500 sicles, du cinnamome odoriférant la moitié autant, c'est-à-dire, le poids de 250 sicles, et du roseau aromatique 250 sicles, de la casse le poids de 500 sicles, selon le cycle du sanctuaire, et un hin d'huile d'olive. Et tu en feras de l'huile pour l'onction sainte, un ointement composé par art de parfumeur, ce sera l'huile de l'onction sainte. Puis tu en oindras le tabernacle d'assignation, et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, et l'autel du parfum, et l'autel des holocaustes, et tous ses ustensiles, la cuve et son soubassement. Ainsi tu les sanctifieras, et ils seront une chose très sainte, tout ce qui les touchera, sera saint. Tu oindras aussi Aaron et ses fils, et les sanctifieras pour m'exercer la sacrificature. Tu parleras aussi aux enfants d'Israël, en disant, ce me sera une huile de sainte onction en vos âges. On n'en oindra point la chair d'aucun homme, et vous n'en ferez point d'autre de même composition, elle est sainte, elle vous sera sainte. Quiconque composera un oignement semblable, et qui en mettra sur un autre, sera retranché d'entre ses peuples. L'Éternel dit aussi à Moïse, prends des drogues, savoir, du stacte, de l'onyx, du galbanum, le tout préparé, et de l'encens pur, le tout à poids égal, et tu en feras un parfum aromatique, selon l'art de parfumeur, et tu y mettras du sel, vous le ferez pur, et ce vous sera une chose sainte. Et quand tu l'auras pilé bien menu, tu en mettras au tabernacle d'assignation devant le témoignage, où je me trouverai avec toi, ce vous sera une chose très sainte. Et quant au parfum que tu feras, vous ne ferez point pour vous de semblable composition, ce te sera une chose sainte, à l'Éternel. Quiconque en aura fait de semblable pour le flairer, sera retranché d'entre ses peuples.